بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو فضل صلاة الجماعة ووجوبها، كما نقول باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الاثنان. Donc toujours dans le livre de la salat, on trouve un nouveau chapitre qui est le mérite de la salat en groupe et son obligation. يبدأ المصنف بالحديث الخامس والخمسين. سكت كم حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. كسلو ابن عمر رضي الله عنهما المساج الله صلى الله عليه وسلم قال que la salat en groupe est meilleure que la salat individuelle de plus de 20 degrés. Ou de 20 degrés. Non. Donc, Yaqulu Fadil al-Tashir ibn al-Thaymin, rahmahullah ta'ala. Araoui, le rapporteur, c'est Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhumma. Sabakat tarjamatu fil hadith, rakm thalith achar. Donc, le rapporteur, c'est Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, et que sa tarjama est détestée dans le 13e hadith. Yaqulu Mourdou al-Hadith, le sujet du hadith, bayan fadl al-Sala fi jama'a. Donc ce hadith vient pour montrer le mérite de la salat en groupe. Naam. Fayaqul fi sharh al-ijmali. Le sens global du hadith. L'ijtima' al-mashru' fi al-ibadat shan kabir 'inda Allah. Wa fawaid kathira ijtima'iyya wa fardiyya. Wa diniyya wa dunyawiyya. Wa fi hadha al-hadith yukhbiru عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة الجماعة في الصلوات. Donc justement, le rassemblement légiféré dans les adorations est une chose qui a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup d'intérêt et qui apporte beaucoup d'avantages sociaux ou individuels ou religieux ou même mondains. Et dans ce hadith, عبد الله بن عمر informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré le mérite justement de cette salat en groupe. Bien la salat fi jama'a tazid wa thawaban ala salat munfaridan bi 27 marra. Bayyana dhalika li yaqum an-nas biha talaban li hadhihi ziyada fi thawab. C'est-à-dire que la salat en groupe est de plus grande valeur que la salat individuelle, et cela de 27 degrés. Dans le hadith, il cite 20 degrés, et là, dans l'explication, il cite 25 degrés, comme cela va venir dans le hadith précédent, Inch'Allah. Ou dans le hadith suivant, plutôt. Dans une autre version du hadith, qui dit 27 degrés. Hadith d'Abu Hurayra. Et donc, il a dit cela le Nabi Sallam afin d'encourager les gens, afin qu'ils, justement, se hâtent à pouvoir obtenir le surplus demande de récompense plutôt que de faire la salat seul chez eux. Mais là on fait un tambih quand dans les hadiths qui vont venir dans ce chapitre qui ne cite pas le côté obligatoire de cette salat en jamara alors qu'elle est obligatoire. Après les ulama, il y en a qui ont divergé là-dessus, ils ont dit que c'est juste une sunna mustahabba ou akada, et d'autres qui ont dit c'est un fard yani kifai, que si certains le font ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et d'autres ont même été jusqu'à dire que la salat en jamara est une condition de validation pour la salat. Si tu ne fais pas la salat en groupe, et je crois que c'est le cas de Shir al-Islam, il faut que si tu ne fais pas la salat en groupe, ta salat elle est baratée. Il me semble que c'est lui qui dit ça. Et le qawl sahih, c'est qu'elle est obligatoire. Mais elle n'est pas une condition, c'est-à-dire celui qui peut faire la salat en groupe, mais qu'il ne la fait pas, il aura le péché de l'avoir délaissé, mais sa salat qu'il aura fait seul, individuellement, sera quand même acceptée. Non. Et dans le chapitre, dans ce livre, l'auteur ne cite pas les hadiths qui citent l'obligation. Si elle nous facilite, Inch'Allah, on en parlera dans le prochain ders. Biznillah. Quelques hadiths qui montrent l'obligation de cette salat. Non. Quoi qu'il en soit, le qawl sahih, c'est que la salat en groupe, en jamara pour les hommes, au masjid, elle est obligatoire. Non. فيقول في فوائد الحديث dans les enseignements utiles du hadith فضيلة الصلاة في جماعة, le mérite de la salat en groupe. ثانياً أن الصلاة في الجماعة أكثر ثواباً من صلاة غير الجماعة 27 مرة. La salat en groupe est de plus grande valeur, de 27 degrés par rapport à la salat individuelle. ثالثاً أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين. إمام ومأمون لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ. Donc la salat en groupe, celle-ci est considérée comme étant en groupe si elle est composée d'au moins de deux personnes minimum, qui sont l'imam, celui qui préside, et le présidé. Car dans la salat, il dit la salat en groupe est meilleure que celle de la salat de celui qui est individuel. Donc, ce qui prouve que individuel, c'est le minimum d'une personne, et que par la suite, ce qui augmente en nombre devient le groupe. Et il a été dit que Aqal Jam Isnan, que le minimum, justement, dans le pluriel, c'est deux. Donc, c'est ça le Qawl Sahih. À partir du moment où il y aura deux personnes, cela est considéré comme salat en groupe. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Fa ila huna, wa alhamdulillah bil alamin.